Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Et c'est le Red Champagne, c'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Ici Luc Simard. À titre de préfet de la MRC de Maria Chapdelaine, je tiens à profiter du mois de l'arbre afin de souligner l'importance qu'a la forêt pour notre communauté. Nous sommes choyés car nous avons la chance de posséder l'un des plus importants parterres forestiers du Québec. Cette importante ressource constitue non seulement notre principal moteur économique, mais aussi un immense terrain de jeu pour tous nos citoyens. Soyons-en fiers et assurons-nous de l'aménager et la protéger afin que nous puissions léguer une forêt en santé aux générations futures. On va parler NBA avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal! Pascal, avant de commencer, on s'en en est parlé souvent dans nos différentes chroniques, mais on en a moins parlé au cours des derniers jours parce que le sujet devient redondant. Mais là, on va en reparler un peu parce que c'est le fun de voir ça. Sur le site de RDS ce matin, il y a 167 commentaires au moment où on enregistre le podcast. Donc, du match d'hier. Et moi, je regarde les commentaires, je regarde toujours ça de voir si les gens, s'il y a de l'intérêt ou pas. Quand il n'y a pas ou très peu de commentaires, ça veut dire que la nouvelle n'intéresse pas grand monde. C'est sûr, tu peux pas comparer avec les Canadiens. Les Canadiens, c'est 1500, 2000. Là. Mais la NBA a 167 commentaires. Écoute, ça les place pas loin de la NFL, là, puis ainsi de suite. Là. Ça te demande, à quelque part, quand que les gens me disent qu'il n'y avait pas de code d'écoute pour la NBA, comment veux-tu... si tu compares ça à d'autres, ça dépend à quoi tu compares, mais j'ai toujours dit, moi, si tu compares ça avec le NASCAR, tu compares ça avec le golf, la PGA, le tennis actuellement, penses-tu que c'est plein à Roland-Garros actuellement, le RDS sont en diffusion tout le temps, là. Fait que ça prouve une chose, que la NBA a sa place à la télévision québécoise. Je pense que la NBA a sa place, et tu sais quoi? Je pense pas que c'est... toi, tu parles de nombre, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais c'est plus une question d'opportunité. Ce matin, j'écoutais les nouvelles québécoises, la télé québécoise, puis les gens parlent de la NBA, puis pendant la conversation de la finale d'hier, on parle de hockey puis de l'impact. Comme c'était de l'incompétence totale pour moi de ces gens-là. Le problème, c'est pas la passion et les fans ou les amateurs de basketball ou ceux qui suivent la NBA au Québec. Il y en a du monde, Danny, tu le sais. Ouais. Les matchs qu'il y a eu au Centre Bell, 21 000 personnes, c'était sold out. Il y en a du monde. Je m'attends à ce que le match de Duke à Laval soit probablement sold out. Mon point dans ça, Danny, c'est que c'est les médias qui sont dans le champ. Ils sont dans le champ. Je m'excuse, Danny. Toi, t'en parles, tu fais un effort. Les médias font pas un effort. Et puis, en ce moment, comme tu as vu, quand qu'on fait du basket en français... C'est comme si on le faisait pour, je sais pas, là, on a un espace boucher. À boucher. Ouais. Ouais. Et je trouve ça un petit peu plate. Moi, ce que je respecte, puis je vais dire, TVA Sports a montré du basketball universitaire canadien. Ils l'ont fait avec respect, puis moi, j'étais là, les codes d'écoute étaient intéressants, OK? RDS fait du basketball. Bon, c'est RDS2 quand même, mais je regarde avec les analystes. Le studio, c'est quand même, pour moi, je trouve que c'est un beau respect du basketball, ce qu'ils font à RDS2, avec Peter Yiannopoulos. Très bon. Avec Will Archambault. Mathieu Jolivet. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça le fun. J'espère que ça va continuer. Mais par rapport à l'intérêt du monde, que ça soit au Québec, il est là, là. C'est que nos médias, nos journalistes ici, ils peuvent même pas parler de grand chose d'autre que du hockey. Et c'est moi, je trouve que le plus gros problème, Danny, là, c'est qu'il y a de l'incompétence dans beaucoup de journalistes. Je le dis, là. Ils peuvent pas parler de autre chose que hockey, hockey, hockey. Et je commence, Pascal, je suis dans les médias aussi, là. Tu sais, beaucoup, c'est facile d'influencer une opinion publique, hein. C'est très, très facile. Je commence à savoir comment que ça se passe, là. Je vais aller du côté de politique, puis je vais revenir très vite au basketball. Toi, tu l'haïs. Moi, j'ai toujours essayé d'avoir une réserve. Mais Donald Trump, les gens l'haïssent pour le tuer. Avec ce qu'il a fait à matin, c'est peut-être, ils ont peut-être un petit peu raison, mais encore là. Mais fais le tour du monde, là, qu'ils disent qu'ils l'haïssent. Je suis convaincu qu'à à peu près 75% des gens, tu lui dirais pourquoi tu l'haïs. Ben, ils savent même pas pourquoi. Mais ils l'haïssent. Exactement. T'as raison. Ouais. Fait que, tu sais, au moins, là, c'est pour te dire comment que c'est très facile. Les médias, tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire croire ce que tu veux du monde. Et, Danny, pense à Mark Zuckerberg qui se promène sa planète. Ouais. Parce que Facebook est accusé d'avoir influencé des gens. Mm. OK? Fait que là, toi, tu parles de RDS. Moi, là, sur ma page, j'ai à peu près 2000 amis sur mon Facebook. OK? Ben, ouais. Amis. On voit, c'est un gros mot. Amis, mais, tu sais, je suis Peter. Je mets une photo de mon garçon dans le tournoi la semaine passée, puis il y a à peu près 250 likes. 250 ouais. likes. Ouais. Non, mais mon point dans ça, c'est que les médias sociaux rentrent dans la business. Puis quand, je suis content de te dire, parce que si tu regardes les médias sociaux, on parle de quoi? On parle pas juste des Canadiens de Montréal. Non. On parle pas juste. Les gens aiment ça parler de d'autres choses. Ben moi, c'est vrai que. C'est là que je pense que les médias, que les stations de télévision, ils ont peur que s'ils parlent pas des Canadiens de Montréal, ils vont perdre des gens. Ouais. Ils vont perdre des gens. Puis je pense qu'ils ont peur de vanter d'autres sports. Comme je te dis, à matin, j'écoutais deux gars parler. La finale NBA, ça a duré une seconde. LeBron a fait 51 points. J.R. Smith, c'est surtout l'erreur de J.R. Smith. Il a fait une niaiserie. Puis en passant, les joueurs de l'Impact ont serré les mains. Je suis comme, attends, on vient de passer du basket à l'Impact. Mm. Comme, même pas capable de en tout cas. On va rester avec le basket. Oui, c'est ça, on va rester avec le basket. Non, mais c'est quand je vois 166 tailbacks, je suis très, très content de voir ça, puis bravo, puis c'est pas mal le fun. Pascal, on va se parler de J.R. Smith, justement. Est-ce que les Cavaliers vont se remettre de ça? Ça va être dur. Honnêtement, là, ça va être... De battre, c'est... Le sport, c'est très psychologique, parce que t'as vu qu'en prolongation... En prolongation, ils étaient finis mentalement. Ça. Ils ont perdu par 10. Ouais. Ils ont Kevin Love a manqué son tir de 3 points. La game était finie. On a vu la frustration à la fin. L'arrogance des Warriors. Puis en passant, moi, je le basket, c'est un sport. Puis mais le sport en tant que tel, c'est, il y a beaucoup d'arrogance. Là. Mm. Mais ils ont vraiment... Et je pense que... Avec tout ça, on parle presque pas de 51 points, 8 rebonds, 8 assists de LeBron James, qui a connu un match phénoménal, vraiment historique. Puis ils ont exécuté. C'est probablement, c'est dommage, là, Danny, mais c'est probablement le meilleur match que les Cavaliers ont joué au niveau d'exécution, au niveau défensif, OK? Ouais. Contre la meilleure équipe depuis les 4 dernières années, là. Puis ils avaient le match. Puis, tu sais, je veux pas tomber sur J.R. Smith, niaiseux, y a pas, il est stonnet. Moi, je. Excuse-moi, Danny. Non, je vois ça comme une erreur. Ben, comme Bill Buckner au baseball, je sais pas si t'as déjà entendu parler de Bill Buckner, comme Pete Carroll, qui est au Super Bowl, qui donne pas le ballon à Marshall Lynch, que c'était évident. Y a des erreurs dans le monde du sport qu'on va se rappeler, hein. C'est une erreur, t'es sur le plus haut stage, en anglais on dit stage, là. Ouais. Tout le monde est au-dessus de 100 millions de codes d'écoute, probablement, ce match-là, hier soir. Tu sais, si George Hill, regarde, 36 secondes à faire, LeBron James va chercher une faute offensive contre Kevin Durant. Ouais. On décide d'aller aux vidéos parce qu'on veut savoir s'il y a les pieds sur le cercle qui détermine s'il était à la bonne position ou non. Quand on voit aux vidéos, on se rend compte qu'il était vraiment à l'extérieur du cercle. Donc, c'était une bonne faute offensive. Mais là, on dit, ah, il bougeait un petit peu. C'est une bonne faute offensive. C'est une faute contre LeBron James. C'est un bloc. Fait qu'au lieu, là, tu mènes par deux points. Au lieu d'avoir le ballon puis d'aller attaquer contre les Warriors, peut-être pour prendre un avantage de 4 points ou même de 5 points si tu rentres une 3 points, Durant va relancer franc, égalité. On fait un très beau jeu où ce que George Hill se rend. Si George Hill rentre le deuxième lancer franc d'année, on parle d'un autre scénario. Parce que c'est 108 à 107. Il reste, je me souviens plus, 4,6 secondes. Les Warriors ont un temps d'arrêt. Ils essayent de prendre une 3 points. Ils gagnent sur un buzzer ou ils perdent la game. C'est aussi simple que ça. T'es d'accord avec ça? Maintenant, J.R. Smith, là, son rebond, c'était spectaculaire. Kevin Durant, il a fait une... Aujourd'hui, on parlerait de Kevin Durant. Il a rien fait. On aurait dit Kevin Durant a choqué. J.R. Smith prend un rebond. Maintenant, il aurait dû remonter. Est-ce qu'il était conscient? Lui, il a dit après le match que oui, je savais que c'était égalité. Moi, je pense pas. Parce que quand tu vois le commentaire qu'il fait sur le terrain à LeBron James, lui, il a pris le rebond en pensant qu'il menait par un point. C'est ça mon feeling. C'est ça qui est arrivé. Maintenant, ça a créé une situation très négative. LeBron a refusé, semble-t-il, de répondre à la question après le match. Je viens juste, Danny, d'écouter la conférence de presse. Puis ça, c'est une autre affaire, Danny. Ouais. Moi, je viens de passer 15 minutes à écouter la conférence de presse au complet de LeBron James. Okay. Qu'est-ce que les médias vont montrer, c'est quand il regarde le journaliste, puis il laisse le micro, puis il s'en va. Mais je l'écoute au complet. Le gars, il a dit qu'est-ce que J.R. Smith pensait dans sa tête. LeBron, il a dit, j'ai déjà répondu à ça au début de l'entrevue. Je le sais pas. Ouais. Le gars, il dit, oui, mais d'après toi, qu'est-ce qu'il pensait? Fait que c'est une autre affaire. Quand on parlait de médias, justement, tu viens de me dire. C'est sûr que là, à un moment donné, tu te tannes puis tu pars. Mais je pense que dans la conférence de presse, j'ai répondu à une quinzaine de questions, dont trois au début qui avaient rapport avec J.R. Smith. OK? Puis à la fin, la dernière question, le gars, il a dit, mais d'après toi, qu'est-ce que tu pensais? Mais non, t'as aucun sens, là. Il dit, nous, on assumait, parce que avant de lancer franc, il y avait eu un temps d'arrêt. George Hill s'envoie à la ligne. Je veux dire, je m'excuse, là, mais mon enfant, mon garçon de 10 ans, il regarde le score puis le temps, puis il a une idée qu'est-ce qui se passe, là. Je veux dire, c'est la première chose que t'apprends dans le basket. Mais tu peux. Puis tu sais quoi, je ne blâme pas J.R. Smith. Il a fait une erreur. Moi, je vois ça comme une erreur. Maintenant, est-ce qu'il va passer à travers? Et est-ce que les Cavaliers vont passer à travers? Écoute, premièrement, là, tout le monde pensait que ça aurait été 4. Cette série-là va être 4-0 par 25, OK? Ben moi, j'ai donné Golden State en 5. Les Cavaliers ont démontré qu'ils étaient capables de jouer. Mais tu sais quoi, Danny? Il fallait qu'il la gagne, cette game-là. Ouais. Il devait la gagner. Fait que t'as deux erreurs avant l'erreur à la fin du match. Pour moi, l'arbitrage, je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Ouais. George Hill a manqué un tir qui aurait dû rentrer, okay. En partant. Ouais. J.R. Smith fait un travail spectaculaire de prendre un rebond. Pour te donner une chance de gagner la game, il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Il y a plein de monde à chaque jour qui font des erreurs. C'est ça. Moi, j'avais donné, avant la série, on devait se parler hier, moi, j'ai donné Golden State en 5. Est-ce que c'est à peu près ça que tu avais donné aussi, toi? Écoute, je suis un Cavaliers fan, fait que moi, je vois, tu sais quoi, Danny, je vais dire Cleveland va gagner en 7. OK, Kevin va gagner ça. OK. Donc, on va suivre ça d'après. Pascal, si tu veux, on va aller à la pause, parce qu'il y a quand même pas mal d'actualité dans la NBA. On va s'en reparler. Donc, vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Pascal Jobin. Et c'est le Red Champagne. C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Ici Luc Simard. À titre de préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, je tiens à profiter du mois de l'arbre afin de souligner l'importance qu'a la forêt pour notre communauté. Nous sommes choyés car nous avons la chance de posséder l'un des plus importants parterres forestiers du Québec. Cette importante ressource constitue non seulement notre principal moteur économique, mais aussi un immense terrain de jeu pour tous nos citoyens. Soyons-en fiers et assurons-nous de l'aménager et la protéger afin que nous puissions léguer une forêt en santé aux générations futures. Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On est de retour à danadosport.com. Pascal, il y a une nouvelle qui vient de tomber. C'est pas officiel encore. Je veux t'entendre là-dessus. ESPN, selon un insider d'ESPN, les 76ers songeraient à congédier Brian Colangelo. Ouais. Est-ce que tu es surpris? Écoute, j'ai écouté l'entrevue de la personne qui écrit dans le The Ringer, ça s'appelle, ça? Ouais. En expliquant que Brian Colangelo, pour les gens qui savent pas c'est quoi la situation, c'est le directeur général des 76ers qui était... Il est pas président avec aussi? Avec les Raptors. Ouais. Lui, il y avait des comptes fantômes, qu'on appelle. OK. Donc, des comptes fantômes, fait qu'il pouvait attaquer des gens. Ah oui, dans c'est vrai l'histoire. Okay, il y avait des commentaires faits que ça avait l'air de venir de l'organisation. OK. Lui en ce moment, il dit qu'il y avait sur les... Mettons, il y avait 5 comptes. Lui, il a admis qu'il y a un des 5 comptes qui appartient. Ouais, OK. Puis quand l'histoire a sorti, il y en a 3 qui ont disparu et les 5 comptes ont été créés avec le même numéro de téléphone. En tout cas, c'est une histoire... Je pense que ça va être très dur si c'est quelqu'un qui a monté... quelque chose comme Brian Colangelo, ça va être très dur pour lui se sauver. Même s'il n'est pas coupable, Danny, là, il risque de perdre sa job par rapport à juste l'aspect négatif de tout ce qui se passe. Et tu vois, ça fait partie des médias sociaux. Supposément qu'à Toronto, il était très... Brian Colangelo, c'est quelqu'un qui contrôle tout son environnement. Ouais. Il veut savoir ce qui se passe. Fait qu'il, c'est comme si... Je te donne un exemple, Danny, c'est très simple. C'est comme si toi, tu faisais une femme de ménage chez toi. Ouais. Puis tu mets un 20$ en dessous de ton sofa pour voir si ça va le prendre ou non. Si elle le prend pas, tu dis que c'est une bonne femme de ménage. Puis si elle le prend, ben, tu dis que c'est une voleuse, je vais plus l'utiliser. Je te donne un exemple. C'est un petit peu ça qui est arrivé avec Brian Colangelo. Okay. Fait que quand un account Twitter... Puis mettons, je dis, hey, moi, j'écoute pas le show de Danny, Dan Radio Show, je veux rien savoir, il est pas bon, nanana. Puis toi, tu sais pas que c'est moi qui fais ça, tu comprends-tu? Ouais. Puis là, d'un coup, là, il y a des commentaires. En passant, Danny, quand t'as parlé avec Pascal Jobin, t'aurais dû dire ça. Là, tu dis, non, Pascal, c'est toi qui m'écris avec un autre compte. Tu sais, ouais. C'est ça qui est. OK. Fait que, ça, c'est une histoire à suivre, mais moi, ce matin, ce que j'ai entendu, c'est que les 76ers pensaient le mettre dehors. Ben, c'est ça qu'ESPN annonce. Fait que, ça va suivre ça. Autre élément d'information, Pascal, Andrew Wiggins, qui est le meilleur joueur canadien actuellement de basketball, ne participera pas aux qualifications en vue de la Coupe des championnats du monde de basketball qui auront lieu au mois de septembre. Les qualifications ont lieu le mois prochain. Es-tu surpris? Non, absolument pas. OK. Je vais te faire un petit scénario rapide. Lorsqu'ils ont perdu l'équipe canadienne, je pense que c'était contre Panama. Lorsqu'ils ont perdu pour aller aux Olympiques, ils avaient battu Panama par 20 points. Le match décisif qu'ils ont perdu, Jay Triano avait gardé Andrew Wiggins sur le banc. Un petit peu comme Dwayne Casey a fait avec DeMar DeRozan. Okay. Il avait quand même fini la game, mais c'est pas compliqué, Danny, la relation entre Andrew Wiggins et Jay Triano n'existe pas. OK. Fait que si tu veux que Wiggins joue pour le Canada, ça aurait pris un autre coach. C'est aussi simple que ça. Ouais, OK. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais les certaines gens que je connais à l'entour de Team Canada, puis l'entourage d'Andrew Wiggins, je peux te dire que c'est pas mal ça. Tu vas jamais sortir pour dire j'aime pas ce coach-là, fait que je jouerai pas. Moi, ce que je trouve un petit peu désolant, c'est que c'est des adultes. Ouais. Puis tu représentes ton pays. Fait que ça paraît beaucoup plus mal pour Wiggins que pour Jay Triano. OK. Ben oui, tu mais pour moi, la raison numéro un que Andrew Wiggins ne joue pas pour l'équipe canadienne a rapport avec sa relation avec l'entraîneur-chef. Oui, Pascal, parce que je pense qu'il aurait été nommé de l'intérieur. Si ça aurait déjà quelqu'un de l'intérieur, il aurait déjà été nommé actuellement. Puis moi, je pense que ça ressemble pas mal à quelqu'un de l'extérieur, et même quelqu'un possiblement même de l'organisation, soit des Warriors ou des Cavaliers. C'est drôle, hein? Oui, non, mais je t'ai mentionné Mike Brown, mais je veux dire, je pense que... Écoute, Masai Ujiri, en ce moment, a besoin d'un entraîneur qui, dans les 2-3 prochaines saisons, va vraiment changer la culture des Raptors à la sienne. Mm. Et ça prend quelqu'un qui a un résumé de finale de l'Est, de l'Ouest, puis des finales NBA. Pas quelqu'un comme Jerry Stackhouse qui arrive, qui est un jeune coach en devenir, là. Mais je serais surpris que Jerry Stackhouse ait ce boulot-là par rapport au fait qu'il est trop vert. OK. En terminant, je veux te parler de Dwayne Casey. Semaine passée, on disait qu'il y aurait eu une entente et qu'il y avait eu des discussions préliminaires. Là, on apprend toujours, selon ESPN, c'est pas mal ça, les sources, qu'il y aurait eu des négociations ou ça serait déjà commencé. Est-ce que Casey se ramasse à Détroit ou il va attendre encore un peu? Je pense que si l'offre se fait à Détroit, il va le prendre. OK. Je pense que oui. Honnêtement, là, je pense que ce serait une opportunité pour lui parce que tu as quand même une équipe qui devrait être capable de faire les séries, qui devrait être capable de finir en 6e à 12e, selon moi, dépendamment de ce qui va se passer. Si Reggie Jackson est en santé, oublie pas qu'on a été chercher Blake Griffin avec Andrew Drummond. Donc, on a quand même trois joueurs deux joueurs All-Star, deux joueurs étoiles. Et un gars comme Reggie Jackson qui était en devenir. Je serais pas. C'est quand même une équipe intéressante, les Pistons de Détroit. Moi, je l'aurais vu. Je sais pas si c'est Dwayne Casey prendre ce job-là. C'est de valeur parce que quand il était congédié, les Knicks avaient déjà leur entraîneur. Je l'aurais vu, moi, avec les Knicks pour bâtir. Mais je pense que Dwayne Casey va aimer mieux prendre l'opportunité à Détroit qu'à New York. Oui, mais à New York, pour le marché de New York, là, ça aurait été l'idéal actuellement. Il aurait arrivé avec une crédibilité en étant nommé entraîneur de l'année que le jeune à New York n'aura pas. Là. Parce que les Knicks, ça fait quoi? Ça fait au moins 7-8 ans là, que ça va nulle part. Là. Puis en passant, Toronto, oublie pas l'ancien coach des Cavaliers, David Blatt, qui est en Europe en ce moment. Je ne sais pas si tu te souviens de lui. Oui. David Blatt qui a été congédié avec une fiche de 30 victoires, 11 défaites avant le match d'étoiles pour qu'on le remplace par Tyrone Lue. Mais David Blatt, c'est quand même l'entraîneur qui a amené les Cavaliers à la première finale contre les Warriors qu'ils avaient perdu, je sais pas si tu t'en souviens. Ouais. La deuxième année, il a été congédié. On lui a quand même donné sa bague de championnat en passant. David Blatt est sur la liste de plusieurs équipes NBA, hein. Donc, et pourquoi aussi, Etor, mais quand tu parlais de Toronto, par rapport aux Spurs, Etor Messina, qui est l'entraîneur européen, un des meilleurs entraîneurs européens, lui, je pense que c'est lui que tu parlais, qui a fait l'entrevue avec Toronto. Je serais pas surpris qu'un entraîneur comme Blatt ou Messina prenne le boulot à Toronto en passant. Ben, Blatt, tu me parles de ce gars-là, ce serait intéressant. Ça prend un gros nom, puis tout indique que ça va devenir. Moi, je pensais que Stackhouse, ça serait bon, parce que Stackhouse, écoute. Les Raptors 905, à quelque part, c'est depuis qu'il est là, il fait tout un travail avec les Raptors 905. Là, indique que ça va arriver de l'été. David Blatt est le coach en ce moment qui n'a pas de job dans la NBA, qui a emmené son équipe en finale NBA. Là. Il n'y en a pas beaucoup comme ça qui ont ça sur leur CV en ce moment. Ouais. Pascal, gros merci, on s'en reparle. Ben, nous, on va aller jusqu'au encore un mois facile à toutes les semaines. Après la finale, ben, ça va être le repêchage. Après le repêchage, ça va être le marché des joueurs autonomes. Fait qu'on se continue. En passant, Danny, je ne sais pas si tu es au courant, mais l'équipe canadienne, je pense, le 2 juillet, vont jouer à Ottawa. OK. Hey, vu que tu es rendu pour McGill, là, oui. Sais-tu si le match va être à TV contre nous? Sur TSN et sur ESPN. Ah, OK. Ouais, je peux te le dire tout de suite. Okay. Tu vas pas venir voir le match à Laval, Danny? Ah, je sais pas, je vais même pas aux États-Unis. À date, ça me dit pas d'aller aux États-Unis. Ça peut arriver, je sais pas. Tu sais, je sais pas comment c'est. L'été, je suis pas. Le match va être. Le match va être. Puis peut-être même à RDS. À ESPN et à TSN. Et peut-être même à RDS. Non, je pense pas qu'il pourrait être à RDS. si je me fie aux ententes de la RSEQ, parce que McGill, c'est une université de la RSEQ. Ah, qui est TVA Sport. Ouais, mais je sais pas si, si ça va être télédiffusé en français. OK. De toute façon, on l'écoutera en anglais. Mais en passant à RDS, je pense qu'ils ont les droits. Là c'est mon opinion à moi. Je pense que c'est RDS qui a les droits de la NCAA. La NCAA, c'est eux. TVA Sport, c'est RSEQ, puis RDS, c'est NCAA, puis là, t'as un match McGill contre Duke. Je sais que TSN monte le match et... Honnêtement, là, Pascal, je sais que vous allez y aller pour gagner, là, mais... puis tu vas être dans le vestiaire de McGill, là. C'est que tu vas... C'est que vous allez dire au gars? Parce que j'imagine que le... Les joueurs de basket, puis... Ouais, puis, ouais mais là, tu joues contre Duke, tu vas être impressionné, non, oublie d'impressionner. On veut gagner tous nos matchs. On a quand McGill a perdu quand même 4-5 joueurs, 5 finissants avec. Ça fait plusieurs années qu'on a des très très bonnes saisons. Fait qu'on a une équipe quand même beaucoup plus jeune. Mais les gars, ils vont arriver. Pascal, tu me dis toi-même, t'es coach. Je vais être impressionné de coacher contre Coach K. Non, je serai pas impressionné. Je vais être honoré. C'est une fierté. Ouais. D'avoir dans ma vie à moi, d'avoir l'opportunité, puis je dis merci à Dave DeViro, l'entraîneur-chef de McGill, de m'avoir pris dans son staff cette année. Mais pour un entraîneur québécois, d'avoir la chance d'être sur le banc adverse de Duke, oublie pas, on joue contre Cincinnati, on joue contre Ole Miss, et c'est quand même prestigieux. Et là, tu parles quand même d'un entraîneur vedette, superstar, qui est Mike Krzyzewski. Il y a quelques années, quand Syracuse sont venus ici, Jim Boeheim était au match. Ouais. Il avait pas coaché le match. Mais je pense qu'il est le fun. Moi, j'ai la chance d'avoir côtoyé R.J. Barrett quand il était plus jeune. Ça va être le fun de le voir. En passant, R.J. Barrett, il te reste à peu près 8 mois en passant. J'ai compté, j'ai pas mis les derniers compteurs. Là. Plus facile, mais après qu'il ait fini Duke, avant qu'il soit repêché, parce que là, il sera pas avec une organisation. Okay. Parce que tu dois, si on veut parler à R.J. Barrett, il faut passer à travers Duke maintenant. Puis une fois qu'il est il faut passer à travers son équipe NBA. Ouais. Mais entre les deux, on est capable de faire quelque chose. OK, OK. Pascal, en terminant, je veux revenir sur ce match-là. Il reste une chose. Pour Duke, là, c'est un... Écoute, ce que je vois, ce que la préparation, là, moi, ce que je sais de la NBA, de la NCAA, je la suis, ça commence au mois de novembre, avec des matchs, des sortes de tournois hors concours, et ainsi de suite. Mais entre novembre et mois d'août, pourquoi qu'ils viennent, eux autres, ils se préparent déjà, ils testent le c'est quoi, eux autres? Chaque université a droit à des voyages l'été. Okay. Voyages l'été. Dans ces voyages-là, ils en profitent pour faire ce qu'on appelle des matchs amicaux. OK. Et depuis une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus, les universités québécoises et canadiennes ont la chance de jouer contre des universités américaines qui font des tournées au Canada. OK. Ça c'est en préparation, ces choses-là. Et ils ont le droit de faire un voyage à chaque 4 ans hors des États-Unis. OK. Fait que, tu sais, d'où pourrait pas venir 3 années de suite, exemple. OK. Pascal, un gros merci. On s'en parle la semaine prochaine avec le marché des joueurs autonomes, puis également, pas le marché des joueurs autonomes, c'est juste là, mais la finale sera pas terminée, mais après ça va être le repêchage, puis après ça, c'est le marché des joueurs autonomes. Parfait. Notre collaborateur, Pascal Jobin.